pris du LSD d'une certaine façon, puisque donc c'est bien décrit. C'est bien décrit. Voilà, elle est vraiment incroyable visuellement. Il y a du bleu, il y a du vert, il y a du rouge. C'est absolument magnifique ces couleurs. Et donc déjà il y a ça, et ensuite il y a cette particularité qui est assez incroyable, c'est qu'elle possède la frappe la plus rapide qu'on connaisse dans la nature. Donc elle peut donner des coups avec ses pinces, tellement rapide et tellement puissant, donc qui produisent une bulle de vapeur, donc on appelle une bulle de cavitation. Et cette bulle peut chauffer jusqu'à près de 5000 degrés, ce qui est vertigineux, hein, c'est plus ou moins la température qui est à la surface du soleil. Bon, c'est très très rapide, hein, bah, évidemment c'est très très bref. Et quand cette bulle éclate, elle envoie une onde de choc, donc à plus de 100 km/h, et elle peut potentiellement tuer des proies, des poissons, d'autres crustacés. Donc rien que ça, c'est quand même assez incroyable. Et en plus, donc comme si c'était pas suffisant, cette crevette mante donc possède la vision la plus sophistiquée du règne animal. Voilà, elle possède 12 photorécepteurs différents. C'est-à-dire qu'elle voit dans des longueurs d'onde des lumières que nous ne parviendrions pas à percevoir. Voilà, elle perçoit des longueurs d'onde dans les ultraviolets notamment, qui nous sont totalement inaccessibles quoi, et inconnus. Pierre Kerner, vous avez apporté votre passion pour les parasites, hein, oui, à cet ouvrage. D'ailleurs, votre précédent ouvrage portait exclusivement sur les parasites. Hein, vous leur vouez une vraie passion, hein, à ces bêtes parasites. Alors là, le but de l'ouvrage, c'était d'émerveiller le lecteur. On peut émerveiller avec des parasites. Mais oui, c'était un enjeu et presque un défi aussi, parce que pendant la rédaction de cet ouvrage, je proposais au début à Patrick et notre éditrice certaines bestioles qui étaient vite écartées parce que justement peut-être un petit peu trop grotesques ou rebutantes de leur aspect. Mais je voulais et je tenais à ce qu'il y ait au moins une ou deux espèces parasitaires. Ah, vous avez même réussi à en infiltrer un peu plus qu'une ou deux. Hein. Alors prenons des exemples. Le Cimotoa exigua. Alors c'est terrible ce qu'il fait. La description est terrible, et pourtant la photo, c'est une des photos les plus choupinous qu'il y a dans le c'est livre. C'est vrai, on voit un poisson clown avec deux petits yeux qui lui sortent de la bouche. Je vous laisse raconter ce qui se passe. Ces deux petits yeux appartiennent à un crustacé parasitaire qui a la faculté donc de parasiter des poissons en rentrant à travers leurs branchies quand ils sont sous forme larvaire, donc beaucoup plus petits. Et une fois à l'intérieur de la cavité buccale des poissons, ces crustacés vont commencer à se nourrir du mucus, puis se ficher sur la langue du poisson et commencer à dévorer la langue. Autrement dit, ce petit crustacé remplace la langue du poisson. Bon, au passage, on apprend que les poissons avaient une langue, mais en tout cas, ceux qui ont rencontré ce parasite n'en ont plus, et à la place de leur langue, c'est ce petit crustacé qui fait office de langue. Et qui reste à cette place-là, et donc qui fait office de langue pour le poisson. C'est-à-dire que fonctionnellement, le poisson peut utiliser ce crustacé parasite comme une langue. Ça n'empêche pas son alimentation, qui porterait préjudice au parasite, puisqu'il a besoin que son hôte se nourrisse pour continuer à lui-même se nourrir et à s'abriter. Donc, le parasite prend la place d'un organe. C'est le seul cas de parasitisme que l'on connaisse, qui est un truc pareil. Et le poisson qui en est victime, finalement, s'en porte pas plus mal. Non, pas plus mal, si ce n'est que ça doit être vraiment très très incommodant. Et surtout, quand même, il y a quelque chose qu'il faut rajouter dans l'aspect un petit peu dégueulasse, c'est que parfois, ils ne sont pas seuls. Il y a une reproduction sexuée qui a lieu, et donc il peut y avoir non pas un, mais plusieurs Cimotoa dans la bouche. Dans la même bouche. Exactement. Plusieurs langues pour un poisson. Voilà. Ça devient quand même vite terrifiant, votre histoire. Un champignon qui parasite des insectes en prenant le contrôle de leur corps. Ça, c'est un autre cas de parasitisme dont vous parlez dans l'ouvrage, le cordyceps. Le champignon cordyceps qui a la particularité de s'attaquer à plusieurs espèces d'arthropodes, donc que ce soit des araignées, mais plus fréquemment des fourmis. C'est un champignon qui parasite une fourmi qui est représentée à l'intérieur de Nature Secrète. Et on voit le dernier stade, celui dans lequel, à la fin du cycle de vie du champignon, il va pouvoir propager ses spores en ayant littéralement germé du corps de son hôte, qu'il aura manipulé d'un point de vue comportemental pendant au moins un ou deux jours, voire plus longtemps, pour lui permettre de croître et de se positionner de manière très efficace pour la dispersion des spores sur le reste de, par exemple, de ses acolytes, comme une fourmilière. C'est-à-dire que le champignon se nourrit du corps de la fourmi qu'il a parasité, et en plus, avant que cette fourmi ne meure, il la téléguide pour qu'elle aille se positionner là où ça l'arrange. C'est ça, à un endroit particulier, au-dessus de la fourmilière, et à une hauteur particulière, justement, pour pouvoir lui permettre de disperser ses spores de la manière la plus efficace possible. Ouais, c'est assez terrible. Dans la nature, les plus dangereux ne sont pas forcément les plus gros. Alors là, je pense à des petites grenouilles que vous présentez dans votre ouvrage. Patrick Beau, une très jolie petite grenouille bleue de 3 cm de long, mais qui est absolument redoutable. Alors, celle qui est représentée dans le livre, effectivement, donc a des couleurs assez impressionnantes. Mais il faut savoir que donc dans la famille des Dendrobatidae, dont fait partie cette petite grenouille bleue, il y a énormément de grenouilles multicolores qui ressemblent à des petits joyaux. Vraiment, c'est assez spectaculaire de les voir donc contraster avec le vert de la nature, puisque donc elles vivent généralement dans des jungles très denses, dans des forêts tropicales d'Amérique du Sud. C'est vraiment des toutes petites grenouilles multicolores. Et en plus de ça, donc elles sécrètent des toxines qui sont extrêmement puissantes et qui les classent parmi les animaux les plus toxiques au monde. C'est voilà, ça. Donc, ce sont les animaux les plus dangereux au monde, en tout cas parmi les plus dangereux. Il y a notamment une petite grenouille, la phyllobate terrible. Il y a assez de poison pour tuer combien de personnes dans ce petit corps de phyllobate terrible ? Alors, avec le poison qui est contenu dans la peau de la phyllobate terrible, on peut tuer une dizaine d'êtres humains ou plus de 10 000 souris. C'est incroyable, qu'un si petit animal puisse faire autant de dégâts. Et ces substances ne sont pas seulement nocives, elles peuvent aussi, si on les utilise bien, être utilisées en médecine. Oui, parce que la substance qui est sécrétée par ces grenouilles est plus puissante que la morphine. C'est l'épibatidine, donc c'est un antidouleur, et qui est 200 fois plus puissant que la morphine. Donc effectivement, comme souvent d'ailleurs avec les animaux qui présentent une toxicité, il y a des applications médicales potentielles. Oui. Il y a, pour s'émerveiller, dans votre ouvrage, la bioluminescence. Dans de très nombreuses branches du règne animal, des êtres vivants ont acquis la capacité à faire de la lumière, mais aussi bien des animaux marins, des animaux terrestres et même des champignons. Pierre Kerner. La capacité de produire de la lumière est une capacité qui revient, on pense, à plusieurs milliards d'années d'évolution auparavant. Certaines bactéries sont capables de produire de la lumière, certaines cellules eucaryotes, des colonies, sont capables de produire de la lumière, et notamment, ça, on ne devrait pas être surpris, des champignons. Alors, le but de cette production de lumière a souvent laissé perplexes les chercheurs, et il s'avère que certaines hypothèses sont privilégiées, notamment celle d'utiliser ces signaux lumineux pour attirer des insectes qui viendraient se frotter aux champignons et permettraient de disséminer les spores, encore une fois. Ce serait l'intérêt du point de vue de l'évolution. Alors, c'est vraiment une lumière assez intense parce que les chercheurs qui ont étudié ces champignons disent, en tout cas c'est ce que vous racontez dans votre livre, que en pleine nuit, grâce à ces champignons, il devenait possible de lire un livre. Donc ça donne quand même une idée de la lumière émise par ces champignons. Alors il y a aussi des lucioles, évidemment, Patrick Beau. Et là, vous racontez un cas de très joli, de lucioles qui se synchronisent. Où est-ce que ça se passe ? En fait, on retrouve des lucioles synchrones dans plusieurs endroits du monde, mais celles du livre vivent spécifiquement dans un parc aux États-Unis. Et la particularité, effectivement, c'est que quand vient la saison des amours, elles clignotent de manière synchrone, ce qui crée une espèce de spectacle lumineux assez insolite. Ouais. Mais ce sont les lucioles mâles qui se synchronisent et qui clignotent toutes en même temps. Alors oui, absolument. C'est les mâles qui font ça. Les femelles peuvent repérer les mâles plus facilement si donc ils clignotent de manière synchronisée que si c'était plus chaotique, il y aurait une fonction liée à la reproduction. Oui. Il y aurait là encore un intérêt lié à la reproduction. Je rappelle le titre de cet ouvrage qui vient de sortir aux éditions Dunod, Nature secrète, merveille insolite du vivant. Merci Pierre Kerner et Patrick Beau. Puis je remercie aussi à la technique de France Bleu Vaucluse, Jean-Patrick Zografou, et à la technique à Paris, c'est Johanna Gabric. Merci à tous. Merci, merci beaucoup. Facile. Prends ton temps, prends ton temps, prends ton temps d'abord. Tu es mon ami, mon meilleur ami. Prends ton temps d'abord. Ah, ah, ah. Tu fais ami avec des lucioles. Je ne peux pas dire que cette chose m'étonne. Mais les choses qu'elles disent nous restent cachées. On t'a appelé pour nous les expliquer. Yes, you've been called to tell us what they mean. It's a plot though, I told you so. I'm wising up to them. They seem like good friends, best friends. But I'm wising up to them. Ha ha! Ha!